C'est indispensable, il me semble. Rassembler le meilleur et garder le pire. Ouais, tous unis pour l'avenir. Ouais, tous ensemble, unissons-nous, c'est indispensable, il me semble. Rassembler le meilleur et garder le pire. Ouais, tous unis pour l'avenir. De l'unité pour de bon, pas seulement quand ça t'arrange. Le partage en harmonie. Celui qui dérange tous les antipathiques au cœur de pierre. Ce morceau est pour eux-tel une prière. Écoute, le soutien n'a pas de prix. Quand le moment est dramatique, la solitude fait mal, c'est devenu systématique. Un coup d'œil derrière mon épaule, il m'arrive d'y être obligé. Ma confiance en l'autre a pris des coups, j'en suis affligé. Cela m'attriste, j'ai tellement désiré que l'union des hommes puisse arriver. C'est pour cela sur une compile d'hiver, MC montre l'exemple. Remplir les cerveaux de good vibes avec de la musique et de l'encre. Ancrer le bateau qui dérive, un radeau on te livre afin d'atteindre la bonne rive. Mais les mélanger comme deux corps lors d'une action torride. Unifié comme un couple résistant au temps et aux rides. Don Gregor, made in United. Don Gregor, ouais, tous ensemble, unissons-nous, c'est indispensable, il me semble. Rassembler le meilleur et garder le pire. Ouais, tous unis pour l'avenir. Ouais, tous ensemble, unissons-nous, c'est indispensable, il me semble. Rassembler le meilleur et garder le pire. Ouais, tous unis pour l'avenir. Les mains liées, le cœur léger, se pensant rempli d'amour, celui reçu car donné, celui écoulant d'une relation véritable, où le respect sera le fil conducteur, le câble, toujours à l'écoute, prêt à entendre, prêt à entendre, encaisser, soulager la souffrance, si tel est le cas, ton âme est grande. Donne si tu veux prendre, c'est reggae music qui parle des O.N. Gregor, yo. Message pour tous les hommes tous qui les n'ont cessé de se désunir. Nous venons réagir. Tous ensemble. Oui, tous ensemble, made in United. Tous ensemble. Tous, ouais, tous ensemble. Tous ensemble. Unissons-nous, c'est indispensable, il me semble. Rassembler le meilleur et garder le pire. Ouais, tous unis pour l'avenir. Ouais, tous ensemble. Ensemble, unissons-nous, c'est indispensable, il me semble. Rassembler le meilleur et garder le pire. Ouais, tous unis pour l'avenir. Made in United, Original Phoenix et Don Gregor. Tous ensemble.